Diane Urseolo, épisode de l'histoire de l'archipel, de Molé Gentilhomme. Chapitre 1er, un repas de frères. L'empereur Mahomet Ier venait de faire armer 40 galères et d'en confier le commandement à Djali Bacha, auquel ses nombreux succès avaient valu le surnom d'invincible. L'itinéraire du général turc était tracé d'avance. Il devait d'abord cingler vers le sud de l'archipel, réduire en passant les îles de Nio et de Santorin, pour venir ensuite planter à Naxe le signe redoutable du croissant. Cette guerre, assez difficile à expliquer puisque les Grecs se glorifiaient alors de l'alliance de Mahomet et qu'il l'avait aidé à s'asseoir sur le trône ottoman, était le résultat d'un incident des plus puérils en apparence. Mahomet prétendait avoir reçu un affront du duc de Naxe, parce que, étant à Smyrne, ce prince avait négligé de venir lui rendre l'hommage dû à la majesté de sa couronne. Allumée par une étincelle, la guerre grondait donc à l'horizon. Déjà, Djali mettait à la voile, et de son côté, Venise, qui servait de bouclier à l'archipel et avait pris le duc de Naxe sous sa protection spéciale, envoyait dans les ports de la mer Égée un nombre considérable de galères sous la conduite de Pierre Loredan. Mais, en attendant le jour du combat, bien des craintes exagérées, bien des tumultes sourds, bien des luttes personnelles déchiraient les entrailles de l'État. À Naxe, surtout, la préoccupation des esprits était à son comble, et les agents soudoyés par Mahomet ne contribuaient pas peu à entretenir au sein de la ville le désordre et la confusion. Une année plus tôt, le repos de l'archipel n'eût pas été compromis pour si peu. Le duc Crispo, politique profond et rusé, était mort laissant une femme agonisante et 4 fils, dont les 3 plus jeunes étaient divisés par une haine hypocrite et une jalousie sans frein. L'aîné seul, le duc Jacques, qui avait succédé à son père, était un homme d'un caractère noble et généreux, et, bien que jeune, il s'était déjà fait remarquer par une valeur à toute épreuve et l'austérité de son gouvernement. Mais les menées secrètes et les intrigues de ses frères entravaient continuellement ses meilleures intentions. Il n'avait vu qu'avec regret son élévation au trône ducal. Ce qu'il voulait, c'était le partage de l'archipel. Déçus dans leur espérance à la mort de François, leur père, ils avaient juré de satisfaire à tout prix leur ambition et s'étaient ligués dans le but de perdre Jacques. L'occasion de la guerre qui allait éclater leur parut favorable, et un jour, enfin, jugeant que l'heure était venue d'en finir, ils prirent rendez-vous pour le soir dans une des salles les plus isolées du palais, résolus de frapper un grand coup et de demander aux vapeurs de l'orgie quelque audacieuse et décisive inspiration. La nuit vint, et avec elle le silence et le repos. C'est à peine si, par intervalle, on entendait le frémissement léger des flots qui se brisaient sur les récifs. Depuis plus de 3 heures, l'île de Naxe s'était endormie, caressée par une brise tranquille et doucement bercée par la mer. Tout à coup, 2 fenêtres de la tour du vieux palais, bâties au XIIIe siècle par Marc Sanudo, s'allumèrent comme 2 flambeaux rougeâtres au milieu de l'obscurité. Des candélabres d'or éclairèrent splendidement une table couverte de mets nombreux et de vins choisis. Les 3 frères Crispo prirent place autour de cette table. « Sommes-nous en sûreté ?» demanda Marc d'un air inquiet. « Et Jacques s'est-il retiré dans ses appartements ?»« Depuis la chute du jour, » dit Guillaume, « il s'est renfermé avec Pierre Loredan et n'a point reparu. »« Vous vous trompez, » repartit Jean-Pierre. « Loredan a quitté Jacques après une courte entrevue. Il est retourné au port de Dréagat où il a fait ferler les voiles de sa flotte, qui restera en rade jusqu'à l'arrivée de Djali, dont les galères croisent en ce moment dans le voisinage de Candie. Loredan est un chef expérimenté, dit Guillaume, et plus que personne je souhaiterais que l'étendard de Mahomet tombe en lambeaux sous la dent du lion de Saint-Marc. Mais par le ciel, mes frères, si Jacques seul devait profiter de ce triomphe, peut-être oublierais-je que je suis chrétien, et ferais-je des vœux pour Djali? Jacques est condamné, reprit Marc avec une expression farouche. « Il fait les préparatifs et les frais d'une guerre dont nous saurons l'empêcher de voir l'issue. Que le succès couronne l'entreprise de Loredan, et en revenant, il trouvera dans l'archipel 2 maîtres au lieu d'un. » Un esclave valaque, qui depuis longtemps était l'âme damnée des 3 frères et le témoin discret de leurs orgies, prit une amphore de vin de Chypre et remplit les coupes des 3 convives. On but au succès des armes de Venise. « Puisque nous voilà réunis, » proposa Guillaume, le plus jeune des frères Crispo, « procédons au partage des îles dont la souveraineté nous est désormais assurée. Prenons dès ce soir les titres qui doivent bientôt nous appartenir. » « Ce partage serait au moins prématuré, » fit observer Jean, dont le sang-froid et le calme ne s'étaient pas encore démentis. « Et une sage réflexion, l'examen des droits de chacun de nous. « Qui parle ici de réflexion et de droit ?» interrompit Marc d'une voix tenante. « Notre frère Jean voudrait-il ressusciter à son profit les privilèges que nous refusons à Jacques, notre spoliateur à tous ?»« Nulle volonté ne peut ici s'ériger en reine, sachez-le bien. » « Mes droits sont les vôtres, mon frère Jean. Les vôtres sont ceux de Guillaume. Rien de plus, rien de moins, nous sommes égaux. C'est donc au sort que je propose de nous en rapporter. »« Bien pensé, » dit Guillaume, « et je me soumets d'avance à sa décision. »« Et moi aussi, » ajouta Jean avec une douceur hypocrite. « Vous ne m'aviez pas compris, mon frère. Je ne veux que ma part. » Ainsi l'ordonne la stricte justice et la véritable amitié qui nous lie. « Consultons le sort, » reprit Guillaume. « Mais par quel moyen ?»« Rien de plus simple, » répondit Marc. « Contentons-nous aujourd'hui de nous adjuger trois des meilleures îles de l'archipel. Milo avec ses mines de pierres précieuses, Samos avec ses vignes dorées, et Naxe, le paradis de la Grèce, la reine des Cyclades. Nous aviserons au reste une autre fois. »« Ça, Bugue, » continua-t-il en s'adressant à l'esclave, « apporte-moi ce vase de terre de Campanie. » Il va nous servir d'oracle. » Bugue obéit. Marc posa le vase devant lui et faisant un choix au milieu d'une corbeille qui contenait des fruits d'un merveilleux éclat. « Cette grenade, aux couleurs vives et fraîches, dit-il, c'est Nax. Cette grappe d'Aïdoni représentera Samos. Quant à Milo, fit-il en détachant un bijou qui brillait au bandeau de sa toque, cette émeraude sera son image. Maintenant, Bugue, retourne-toi et réponds suivant ton caprice aux questions que je vais te faire. Respect à Bugue l'esclave, mes seigneurs, car Bugue l'esclave va distribuer des trônes. » Le valaque se retourna. Marc éleva en l'air la grappe d'Aïdoni en disant « Auquel de nous donnes-tu ceci ?»« À vous-même, monseigneur. » « Et cela, » dit-il en montrant la grenade, « à monseigneur Jean. » « Et cela, » continua-t-il en touchant l'émeraude, « à monseigneur Guillaume, » répondit Bugue. « Je suis seigneur de Milo, » s'écria Guillaume en vidant d'un seul trait sa coupe remplie d'une liqueur ambrée. « Et moi, prince de Samos, » dit Marc. « Et moi, duc de Nax, » ajouta Jean, toujours froid, toujours impassible. « Sans doute l'apanage est un peu maigre pour vos mérites, mon frère Jean, » dit Marc avec ironie, « et je conçois que cette perspective ne satisfasse pas complètement votre orgueil. Il faudra cependant vous en contenter. » Marc, vous interprétez mal mes sentiments et vos suppositions. Empêchez-nous d'en faire, interrompit Marc, en nous livrant le secret des graves méditations qui vous occupent. Dites-nous enfin ce que vous pensez. Je pense, répondit Jean, que vous partagez trop tôt un butin que vous ne tenez pas encore. N'est-ce que cela ? Dit Guillaume avec emportement. Jurons la mort de Jacques et le butin sera à nous. Bugue, Bugue, apporte-nous cette outre de Malvoisie. Un serment est comme une plante, dont le germe se dessécherait si on négligeait de l'arroser. Cette délicate facétie fut saluée de clameurs bruyantes, et des lèvres rougies des trois frères s'exhala lentement un lugubre cri de mort. « Bien, » dit Marc, « mais il faut que l'action suive de près la parole. Où est le poignard qui le frappera ? Où est le bras dévoué qui lancera son cadavre à la mer ? C'est ce poignard, c'est ce bras qu'il nous faut. Où le trouver ? Il me semble que rien n'est plus facile, répondit Guillaume. Entendons-nous avec quelques bons juifs de Salonique à qui nous paierons largement cette mort. Il ne s'agit que d'être généreux. 10 piastres par goutte de sang. Ou bien encore, Bugue ne pourrait-il pas le suivre dans une de ses promenades nocturnes sous les oliviers de Panerma ? Adroit et résolu, il joue du stylet comme un Lazzarone de Venise. On ne manquerait pas d'attribuer ce meurtre aux agents du seigneur de Sommerive, dont la haine pour la maison de Crispo est connue. Que pensez-vous de ce moyen ? Demanda Marc au prince Jean en fixant sur lui des yeux de lynx. Je le trouve excellent, répondit Jean du ton le plus naturel, mais un sourire ironique glissa imperceptiblement sur ses lèvres. Le silence était à peine rétabli que des pas retentirent dans le couloir. Les deux battants de la porte furent poussés presque en même temps. Les yeux des trois frères s'élancèrent au même but. Un homme était debout sur le seuil. C'était Jacques. Cette apparition fut un coup de foudre. Cependant, il fallait prendre un parti. Repliés dans leur terreur, jouant l'humilité, ils s'efforcèrent de rappeler le sourire sur leurs lèvres refroidies et de bégayer quelques mots. Le calme de Jacques les épouvantait. Ils se crurent condamnés. Mais ces craintes ne tardèrent pas à s'évanouir. Jacques ne savait rien. « Et quoi, mes frères ?» leur dit-il d'un ton bienveillant, où perçait néanmoins l'intention d'un reproche. « Vous vous réunissez ici sans m'avertir ? N'aurais-je pas quelque droit de me plaindre ?»« Cette exclusion ne saurait vous offenser, » répondit Marc, « et vous ne devez l'attribuer qu'à la conviction profonde où nous sommes de l'importance de vos soins pour le bonheur de l'archipel et au scrupule que nous nous ferions d'enlever à l'État un seul de vos précieux instants. » « Vous avez raison, » reprit doucement Jacques. « Le duc de Nax a divorcé avec tous les plaisirs, et vous êtes plus heureux que lui. Le recueillement est nécessaire à un souverain, surtout la veille d'une guerre. Mais que voulez-vous? Vos chants joyeux sont venus frapper mes oreilles, et le désir m'a pris de mêler ma voix aux vôtres. C'est vous, mes frères, qui m'avez tenté. » « Le ciel bénisse votre inspiration, » s'écria Guillaume, qui commençait à se rassurer. « Allons, Bugue, choisis pour notre cher frère, le duc de Nax, le meilleur de nos vins de Samos et la plus belle de nos coupes d'or. » On donna à Jacques la place d'honneur, et le repas continua sans autre incident. Seulement, au bout de quelques minutes, le prince Jean quitta la table et sortit.